Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, second traité, chapitre 2, troisième paragraphe, Marie créée pour être notre mère. Quelle est noble la fin à laquelle Marie fut destinée. Être mère de Dieu, quel honneur, quelle dignité sublime. Et quelle joie ne doit pas en ressentir quiconque lui est dévoué. Mais si je ne me trompe, il nous sera encore plus consolant de la considérer sous un autre aspect, savoir, en tant qu'elle est notre mère, titre qui, bien que moins honorable à Marie que le précédent, nous est cependant plus cher, à nous pauvres et misérables pécheurs, qui n'avons besoin de rien tant que de trouver une mère tendre, une mère qui joigne à un amour, à une sollicitude vraiment maternelle, une puissance, je dirais presque sans limite, qu'elle puisse déployer tout entière en notre faveur. Telle est précisément Marie, nous possédons en elle tout ce que nous pouvons désirer. Le Tout-Puissant a voulu produire cette créature afin qu'elle fût la mère commune des hommes, des pauvres pécheurs. Que Dieu l'ait réellement destinée à être notre mère, il n'y a pas lieu d'en douter, c'est le sentiment des saints pères, c'est la voix de l'Église qui fait à tous ses enfants un devoir d'invoquer Marie sous le doux nom de mère. Telle est aussi la croyance de tout fidèle, qui, rentrant en lui-même, sent dans son cœur la confiance de recourir à Marie comme à sa mère. Confiance qui ne peut naître que de cette persuasion intime qui l'entraîne à la regarder comme sa véritable mère. Oui, Dieu a formé Marie pour être notre mère, il n'est pas permis d'en douter. Considérons-la donc sous ce rapport, de quelle qualité ne dut-elle pas être ornée, au sortir des mains de Dieu, pour remplir dignement ce grand office de mère commune? Afin de s'en former au moins une faible idée, il faudrait savoir ce que c'est que d'être mère, même dans l'ordre naturel, cette considération nous servirait comme d'échelon pour nous élever jusqu'à Marie, qui est notre mère, non pas dans l'ordre de la nature, mais dans celui de la grâce. Or, qui peut comprendre tout ce que dit un cœur de mère, les mères seules, elles qui en ont l'expérience, pourraient nous en donner une idée. Ô Dieu, que l'amour maternel est excessif, qu'elle est puissante et tendre cette affection que la nature même a imprimée dans le cœur des mères. Saint Paul voulant faire comprendre l'étendue de l'amour qu'il portait à ses frères en Jésus-Christ, ne trouve pas de comparaison plus propre à le représenter que l'amour maternel, 1 Thessaloniciens 2, 7. Bien plus, Dieu même, pour nous montrer les entrailles de miséricorde qu'il a pour son peuple, se compare à une mère, dit-il, une mère pourrait-elle oublier le fruit de ses entrailles, et n'être pas touchée de ses besoins? Isaïe 49, 15, il suppose par ces paroles qu'il est impossible qu'une mère oublie son enfant. Si donc Dieu a créé Marie pour qu'elle devint notre mère, je vous laisse à penser de quelle qualité il prit soin de l'orner, quelle étendue il donna à ce cœur qui devait nous embrasser tous dans un amour maternel, quelle suavité il répandit dans son esprit, qui est plus doux que le miel, Ecclésiastique 24, 27. Quel saint fécond en miséricorde ne dut-il pas donner à Marie, si, en tant que mère, elle avait à fournir à ses enfants tendres et délicats l'aliment et la vie. La nature ne forme jamais une mère sans former en même temps une nourrice, c'est-à-dire qu'elle ne forme pas une mère, sans la pourvoir de ce qui est nécessaire à l'entretien de celui qu'elle met au monde. Pourrions-nous croire que la grâce ait été en défaut sous ce rapport, qu'elle ait conféré le titre sans la réalité, la charge sans les qualités et les moyens nécessaires pour s'en acquitter? Non, c'est ce qu'on ne peut supposer. Les ouvrages de Dieu sont parfaits, Deutéronome 32, 4, même dans l'ordre naturel, mais ils ne le sont pas moins, ils le sont même beaucoup plus dans l'ordre spirituel. Dieu donc, ayant formé Marie pour être notre mère, lui a départi avec largesse tout ce qui est requis pour qu'elle puisse dignement en exercer l'office, en sorte qu'on ne peut supposer qu'elle ait été privée des moyens d'aider ses enfants, ou d'un cœur assez bon pour vouloir le faire. Elle invite tout le monde à recourir à son sein maternel, elle accueille tout le monde, elle nourrit tout le monde du lait de ses célestes bienfaits, elle prend la défense de tous ceux qui lui restent fidèles. Saint Bernard sermon Catherine Assomption, elle reçoit avec bienveillance les méchants, elle enrichit les bons, elle les fait croître en vertu, elle délivre tous ceux qui ont recours à elle. Je ne m'arrête pas davantage sur ce point, puisque je dois le traiter plus au long en parlant de l'amour et de la miséricorde spéciale de Marie envers les pécheurs. Je me contente ici de faire bien entendre que Marie est notre mère, constituée-t-elle par Dieu lui-même, créée pour cette fin, d'où nous pouvons conclure en quelque manière ce qu'est Marie, et spécialement son amour maternel. Oui, Marie est mère, mais si nous voulons qu'elle soit telle à notre égard, nous devons être ses enfants, des enfants affectueux, obéissants, respectueux, des enfants dignes d'une telle mère. En réalité, sommes-nous de la sorte les enfants de Marie? Je veux bien l'espérer de vous, chers lecteurs, mais quant à moi, j'ai tout sujet de me confondre. Je ne veux pas désespérer pourtant, je veux mettre ma confiance en Marie. Je veux recourir à son sein et implorer sa miséricorde. Ah oui, tendre mère, mère de Dieu et ma mère, vous êtes une mère très digne, mais je suis un très indigne fils, je suis un enfant infidèle, un enfant ingrat, un enfant indigne d'une telle mère, mais pourtant je suis votre enfant. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui rend la consolation à mon cœur. Marie, ma bonne mère, voudriez-vous repousser le fruit de votre sein? À cause de son indignité voudriez-vous m'oublier? Non, je ne puis le croire. J'aime mieux espérer que d'enfant indigne que je suis, vous me rendrez, je ne dis pas véritablement digne, mais un peu moins indigne que je ne le suis. J'aime à espérer que vos mains compatissantes prendront soin des plaies de ma pauvre âme. Et fut-il jamais une mère qui, voyant que son fils s'est blessé, même mortellement, se prit d'indignation contre lui, et ne fut pas plutôt touchée de compassion, pleine de sollicitude et d'empressement pour guérir les blessures de son enfant? Que penserait-on d'une mère qui repousserait son enfant se réfugiant dans ses bras, après avoir été mordue par un serpent venimeux, qui ne songerait pas au moyen de le soustraire ou plutôt à l'action du venin mortel, qui ne mettrait pas tout l'empressement possible à le soulager, dans la crainte que le poison ne gagnât le cœur et ne lui ôtât la vie avant que le remède n'eût été appliqué. Je sais qu'on dit, qui aura compassion d'un enchanteur mordu par le serpent, Ecclésiastique 4, 12, 15, parce que ceux qui ont compassion d'un tel malheureux sont en petit nombre, mais dans ce petit nombre, vous êtes certainement la première à avoir compassion, même de ceux qui, par leur propre faute, par leur propre témérité, ont reçu des morsures du dragon infernal. Pourquoi hésites-tu encore après cela, ô mon cœur? Marie n'a-t-elle pas déjà commencé à montrer sa sollicitude? Courage donc, elle ne voudra pas laisser son ouvrage imparfait. Par les bienfaits que tu reconnais avoir reçus, apprends à espérer ceux qui te sont promis, confère Saint Augustin. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.